Which is to be radical for Christ. Es geht weiter mit der Botschaft, radikal zu sein für Christus. On va continuer avec notre message d'être radical pour Jésus. To be radical for Jesus. Radikal zu sein für Jesus Christus. Radikal, être radical pour Jésus. In Matthew 11, verse 12, Jesus said, only the radicals can make it. Matthäus 11, Vers 12 sagt Jesus Christus, nur die Radikalen können es schaffen. Dans Matthieu 11, Jésus dit que seulement ceux qui sont radicaux, ils sont possibles à rester en Jésus. Amen. He said only the radicals that can have it. Nur die Radikalen können es haben. Seulement les radicaux peuvent avoir ce que Jésus a. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It means the radicals in Christ. Die Radikalen Christus. Les radicaux en Christ. In Christ and not in the flesh. Die Radikalen Christus und nicht im Fleisch. Radikal en Christ et pas dans la chair. In Christ and not in religion. In Christus nicht in Religion. En Jésus et pas dans la religion. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have to know how to be radical for Christ. Sie müssen wissen, wie man radikal ist für Christus. On devait savoir comment être radical pour Jésus. For the radicals, Christ is their focus. Für die Radikalen ist Christus ihr Fokus. Pour les radicaux, c'est Jésus qui est leur focalisation. Amen. Amen. The earlier you know where you belong, the better for you. Umso früher du weißt, wohin du gehörst, umso besser für dich. C'est mieux de savoir que tu apparaîtes à Jésus-Christ. There are two worlds on earth. Denn es gibt zwei Welten auf dieser Erde. Il y a deux mondes sur cette terre. Amen. Amen. The better, the earlier you know where you belong, the better for you. Umso früher wir wissen, wohin wir gehören, umso besser für uns. C'est mieux de savoir où tu apparais, et c'est ça, ça va t'aider à rester en Jésus. You are of heaven and not of the earth. Wir gehören zum Himmel und nicht zur Erde. On est des citoyens du ciel et pas de terre. You learn to live there. Wir lernen dort zu leben. On apprend à vivre dans les cieux. Your world is heavenly world. Unsere Welt ist eine himmlische Welt und keine irdische Welt. Notre monde, notre maison où on habite, c'est une maison qui est du ciel. And that's why I know this very place we are going to read now is very important for us. Deswegen ist diese Stelle, die wir jetzt lesen werden, sehr wichtig für uns. Cette passage qu'on va lire maintenant est très important. Galatians 5:25. Galater 5:25. Galatiens 5, 25. Amen. Amen. 5:25. Galates 5, 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, lass uns auch im Geist wandeln. Si on vit dans l'Esprit, laisse-nous aussi marcher dans l'Esprit. Amen. Amen. Living in the Spirit and walking in the Spirit is not earthly, it's heavenly. Im Geist zu laufen, im Geist zu wandeln, ist nicht irdisch. De vivre dans l'esprit et de marcher selon l'esprit, c'est pas de la chair, c'est spirituel. Amen. Amen. I mean that of Christ and not of Satan. Ich meine das von Christus, nicht was vom Teufel. Je parle de Jésus et pas de Satan. In satanic world, they also live in the spirit and they walk in the spirit. Dämonischen Welt. Leben sie auch nach dem Geist, aber nach einem dämonischen Geist. Parce que dans le monde satanique, eux aussi vivent dans l'esprit, mais c'est l'esprit des démons, c'est pas l'esprit de Christ. And living in heaven is not after you die. Und im Himmel zu leben ist nicht erst nach dem Tod. Et vivre dans le ciel, c'est pas d'abord après la mort, c'est ça commence à partir de maintenant. As we have been taught by religion. So wie es uns Religion beigebracht hat. To go to be in heaven means you have to die. Parce que la religion nous a toujours éduqué que être dans le ciel c'est après la mort. Dass wir sterben müssen und dann sind wir im Himmel. Amen. Amen. Christ's world is heavenly world. Die Welt von Christus ist eine himmlische Welt. Le monde de Jésus c'est un monde des cieux. And living in Christ's world is from here and not after you die. Eine Welt von Christus fängt hier an. De vivre dans le monde de Christ, de Jésus, ça commence à partir de maintenant et pas après la mort. It does not start after death. It starts from here. That's living in Christ's world, which is heavenly world. Genau, es fängt hier an, nämlich dieses himmlische Leben. Ça commence à partir de maintenant. Again, there are two worlds on earth. Earthly world and heavenly world. Nochmal, es gibt eine irdische Welt und eine himmlische Welt. Il y a deux mondes, le monde de terre et le monde de cieux. Amen. Amen. It is only through Christ you are in heavenly world. Nur durch Christus in der himmlischen Welt. Seulement à travers de Jésus, tu peux vivre le monde de cieux. Through religion, you are earthly. You are in the spirit, but you are of the demons. That's true religion. Durch Religion sind wir entweder irdisch, oder wir gehören zur dämonischen Welt. Par la religion, tu vis une monde de terrestre et pas une monde du ciel. Praise the Lord. Hallelujah. The radicals in Christ are never in competition. Die Radikalen Christus sind nicht mit niemandem in einem Wettbewerb. Les radicaux sont jamais dans une compétition avec quelqu'un. It is never about who is clever in the flesh. Es geht nicht um wer intelligent ist im Fleisch. Ça ne s'agit pas de ceux qui est intelligent dans la chair. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That's why Paul said, I have to call everything dumb. Deswegen hat Paulus gesagt, ich muss alles Mist nennen. C'est pour cela, Paul a dit, je dois tout rejeter, toutes les choses intelligentes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God's children are never in competition with anybody. Kinder Gottes, you never compare others to yourself. It is forbidden. Im Wettbewerb mit anderen, das ist verboten, so zu denken und so zu handeln. Les enfants de Dieu sont jamais en compétition parce que c'est interdit. On ne devait pas nous voir en compétition entre nous deux. It is, you know, you run away from it. Competition, to compare yourself to others or with others and seeing others. No, you just hate it. Du musst wirklich davon fliehen, dich mit anderen zu vergleichen oder dich mit anderen zu messen. Il faut vraiment détester de te comparer avec les autres, bien de te voir en compétition avec les autres. You know, Christ is our example. Christ ist unser Vorbild. Jésus est notre modèle. He was never in competition with anybody. Er war mit niemandem in einem Wettbewerb. Il n'était jamais en compétition avec quelqu'un. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He was never in competition with any man. Er war mit niemandem in einem, mit keinem Menschen im Wettbewerb. Il n'était jamais dans une compétition avec des gens. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why when he died and he rose up, als er gestorben, he did not appear to those that killed him. Ist er nicht denen erschienen, die ihn getötet haben? C'est pour cela quand il était mort, il est ressuscité, il ne s'est jamais montré chez les gens qui l'ont tué. Amen. Amen. He only appeared to those, to his people, those his disciples, his people. Er ist nur seinen Leuten erschienen. Il s'est seulement révélé à ses disciples. Amen. Amen. You know, Paul in Philippians 3, he called everything shit. Paul said, alles Mist. What this, you know, what, you know. Paul a tout annoncé comme merde. Philippiens 3. He called the natural intelligence shit. Er nennt die natürliche Intelligenz Mist. Il appelle tout l'intelligent naturel comme quelque chose de merde. You know, that's why I don't, you know, I don't like anything competition. C'est pour cela que je n'aime pas toutes les choses qui s'agit des compétitions. Amen. Amen. I don't want anything to give me a sleepless night. Ich will nicht von irgendetwas eine schlaflose Nacht. Something to occupy me. Je ne veux pas que quelque chose m'occupe, que j'ai plus de nuit où je peux pas bien dormir. Or something to steal my joy. No, Satan can do anything to steal your joy, bien que quelque chose prend ma joie en Christ. To now come, you know, it's now seeing others and seeing yourself, competition. dass du andere Begriffe, die Worte für uns in Acht nehmen vor. Faut vraiment faire attention des choses des compétitions. It is flesh. Weil es Fleisch and ist. Not the spirit. Und nicht Geist. Parce que c'est la chair et pas l'esprit. And it's deadly. Und es ist tödlich. Et ça peut tuer. Amen. Amen. You know, if Jesus can call Satan to obey your voice, the flesh, how much more all this competition? Wenn der Teufel sagen kann, when Jesus, also wenn Jesus sagt, wenn Jesus sagt, dass es Fleisch ist, wenn der Teufel einer Stimme gehorcht, oder when Jesus can call that, you know in Luke 10, when he sent the 70s, when they came, they were rejoicing because Satan was subject to them. Satan obeyed their voice. And he called that very thing flesh and not the spirit. If he can call that joy flesh, how much more competition? You get it. Mm-hmm. Also Jesus hat es fleischlich genannt, dass die Jünger sich darüber gefreut haben, dass die Dämonen ihrer Stimme gehorcht haben. Und wenn er das fleischlich nennen kann, wie viel mehr, wenn wir einander im Wettbewerb sehen. Amen. Dans Luc, Jésus a dit... Quand les disciples sont revenus et ils étaient surpris, ils étaient heureux que même les démons ont obéi à leurs ordres. Et si le Christ lui-même appelait ça charnel, à quel point il va appeler la compétition charnelle? Amen. À cause of the interpretation, I wanted us to go to Luke 10. Okay. Let's go to Luke 10. Lucas 10. Praise the Lord. Amen. Luke 10. From verse 17. 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. We see there. Quand les 72 disciples revenirent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres et ton nom. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of your enemy. And nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que l'esprit mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Amen. You know, Jesus here, he is saying that Satan obeys you is just flesh. Il sagt hier, dass der Teufel gehorcht, ist einfach Fleisch und Blut. Das ist nichts Besonderes. Jésus dit ici, juste parce que les démons donnent des ordres à vous, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose puissant parce que c'est la chair. You know, this is what religion calls spiritual power. Aber Religion würde sagen, es ist eine geistliche Macht. Mais la religion dit que c'est une puissance spirituelle. But Jesus said it is nothing. Aber Jesus sagt, es ist nichts. Mais Jésus dit que c'est rien. How much more this fleshly competition? Wie viel mehr diese fleischlichen Wettbewerbe? Combien plus les compétitions? Praise the Lord. Alléluia. Again, in Philippians 3, Paul called everything done. He says so that he is able sagt Paulus, dass alles Mist ist, so dass er in der Lage ist. Und in Philippiens 3, Paul dit que tout est merde. You know, I don't want to. I don't like doing things that will bring people down. Ich mag es nicht, Dinge zu tun, die Leute runterziehen. Je n'aime pas faire des choses qui rabaissent les gens. I promote Christ. Ich fördere Christus. Moi, j'aime bien louer le Seigneur. Oui, apprécie le Seigneur. And I always want you to see the Christ in you. Und ich möchte, dass ihr immer Christus in euch sieht und ihn feiert, ihn erhebt. Et je veux que vous voyez toujours Jésus en vous. I'm not celebrating the natural, the flesh. Und nicht das Fleisch, das Natürliche feiert. Et pas célébrer la chair, l'intelligence des hommes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us go to Philippians 3. Philippa 3. Philippians 3. Satan is so clever. Der Teufel ist so gerissen. Le Satan est vraiment intelligent. Amen. Amen. You know, after Jesus, after, if you see Peter, after Peter has said something that the Holy Ghost spoke through Peter, that Jesus Christ is the Son of God. Immediately, you know, Satan knew that it was time for him to go through. Because he knows that, you know, if you can say the Lord is speaking through somebody, it means immediately he's saying other things. You have people who are still going to believe it. I don't know if you get what I'm saying. Bei Petrus, Satan is very, very clever. In einem Moment hat der Herr durch ihn gesprochen und it's dann wise. Wieder der Teufel. Dans Pierre, dans un moment, c'était le Saint-Esprit qui a parlé sur lui quand il a révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Mais dans l'autre moment, il y a le Satan qui a parlé à travers lui. You know, yesterday as we were there celebrating, I was in the room and the Lord woke me and said I should pray for all of you. Als ihr gestern da gefeiert habt, hat der Herr mich aufgeweckt und mir gesagt, ich soll für euch alle beten. Hier, quand vous avez fêté, le Seigneur m'a réveillé, il a dit que je devais prier pour vous. And my prayer was, Father, thank you, you are always there for your children. Mein Gebet war, danke, Vater, du bist immer da für deine Kinder. Ma prière était, merci Seigneur, que tu es toujours là pour tes enfants. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. In Philippians 3, from verse 3, it says, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit." Philippians 3:3. We worship God in the Spirit. It is all about the Spirit. Philippa 3:3, wir dienen Gott im Geist. Es geht um den Geist. Philippiens 3:3 dit que nous devons rendre gloire à Dieu par l'Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. It's not, you know, the circumcision. Our circumcision today is not about the cutting of the body. Unsere Beschneidung ist nicht physisch gemeint. Notre circoncision, c'est pas par la chair. Sondern die Beschneidung unserer Gedanken. Mais c'est les circoncisions de notre pensée. If you like, you cut your head, you can never change you. Weil du kannst von mir aus deinen Kopf sogar abhacken, aber es wird dir nicht helfen. Tu peux même couper ta tête, mais ça va pas t'aider. I rejoice in Christ Jesus. I have no confidence in the flesh. Have no confidence in the flesh. Hab keine, are you seeing something? Hab kein Vertrauen auf das Fleisch. Faut pas avoir la confiance à la chair. Though I might also have confidence in the flesh, if any man think that he had thereof, he might trust in the flesh I more. If there's anybody to be proud of what he have achieved in the flesh, it should be me. Wenn jemand sich auf das wenn sich jemand irgendwas einbilden könnte, auf seine Fähigkeiten, auf seine Errungenschaften, dann wäre das ich, sagt hier Paulus. Paul dit en 4, et pourtant si je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme, Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le prie bien davantage. Can you see Paul? Amen. He was not. He was not naughty. Weil Paulus war nicht, war kein Dummkopf. Paul n'était pas, il n'était pas bête. Amen. Amen. He was not yeah yeah. Er war nicht ein Nichtsnutz. Il n'était pas quelqu'un de inutile. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He was not even somebody like me. Er war noch nicht mal jemand wie ich. Il n'était même pas quelqu'un comme moi. Parce que moi, je ne suis pas intelligent. Ich bin nicht clever. I'm not clever. Amen. Amen. I just need Christ for everything. Ich brauche Christus für alles. J'ai besoin de Jésus pour tout. Amen. Amen. Naturally, I'm just nothing. Natürlich gesehen bin ich nichts. Naturellement, je suis rien. Even in the flesh, Paul was somebody more than me. Im Fleisch war Paulus mehr als ich. Même dans les chairs, Paul était plus que moi. Praise the Lord. Hallelujah. I don't have any degree. Ich habe keine, Bildungsabschlüsse, aber ich habe Christus und darauf bin ich stolz. J'ai aucun bulletin ou bien diplôme, mais j'ai Jésus, c'est ça qui me fait fier. And I don't need those degrees. Ich brauche diese Bildungsabschlüsse auch nicht, sondern nur Christus und damit bin ich zufrieden. Je n'ai pas besoin de tous ces diplômes ou bien bulletins, j'ai Jésus, ça me satisfie. You know, when people write their name, they write doctor, bishop, you know, they write a doctor, professor, you know, they just, the line is so long. My own is very short. The Son of God. Amen. Amen. Amen. Leute ihre Titel schreiben, dann, wenn die Leute ihre Namen schreiben, stehen da so viele Tausende von Titeln noch hinter oder davor. Aber mir steht einfach nur Sohn Gottes. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont certains titres et c'est tellement long, mais moi la mienne c'est complètement enfant de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Verse 4. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof, he might trust in the flesh I more. Verse 5. Circumcise the 8 day of the stock of Israel. If you talk about religion, I'm number one. That's what he's saying. Religieux gesehen bin ich die Nummer 1, sagt er. Paul dit dans verset 5, si tu parles de religion, là moi je suis numéro 1. Amen. Amen. Amen. Amen. Then in verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law blameless. Verses. Amen. So also verse 6. Amen. Persecuting the church. He was fighting the church because of his religion. Because of he, you know, he was so radical in religion that he was fighting God's children. Er war so radikal im Gesetz. So radikal in der Religion, dass er Kinder Gottes verfolgt hat. Paul était tellement radical dans les religions qu'il a persécuté l'Église. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but what things we are gained to me, those are counted loss for Christ. Verse 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for this excellency of the knowledge of Christ, Amen. Jesus, my Lord, Amen. For whom I have suffered the loss of all things. All things are not some things. Alle Dinge. All. Und nicht nur einige. Those are few that don't want to live all. Für die, die nicht alles hinter sich lassen können. Verse 8, Paul a tout laissé, a tout perdu. Peter also said we left all. Und Petrus hat auch gesagt, wir haben alles hinter uns gelassen. Et Pierre aussi l'a dit, on a tout laissé derrière. And Paul said he left all. He said Paulus sagt hier auch, er hat alles hinter the sich radical gelassen. The radical leave all. Weil die Radikalen alles hinter sich lassen. Et même Paul dit aussi, il a tout laissé derrière lui, il a tout perdu. Il faut être comme ça, c'est qu'on doit être radical. You leave all, the natural, the flesh, the system. The old you, the old man, they are so deadly to you. Das System. L'ancien caractère, l'ancien système, il faut tout laisser derrière toi. They are darkness. Sie sind Finsternis. ils sont l'obscurité. Aber die Bibel nennt uns das Licht. It did not say you are darkness, have light. But light, full light. Volles Licht. Mais la Bible dit qu'on est lumière. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said everything. He left everything. Alles hat eingebüßt. Il a tout perdu, il a tout laissé. He said, "And do condemn the dung, that I may win Christ, so that I can win Christ. If not, you can never win him. If you are still attached to some." I don't know if somebody's getting it. Sonst können wir Christus nicht gewinnen, wenn wir immer noch mit so vielen Dingen verbunden sind. On peut jamais gagner Christ, on est toujours encore attaché à beaucoup de choses. Amen. Amen. Are you still attached to things? Sind wir immer noch mit Dingen verbunden? Est-ce que tu es toujours encore attaché à des choses? Be careful, please. It's so dangerous to be attached to things. Es ist so gefährlich. What are you still hiding? What are you still keeping? Es ist so gefährlich, an Dingen noch zu hängen. Und was sind die Dinge, die wir Jesus nicht abgeben können? Die Freunde, die Familie. C'est très dangereux de toujours être attaché à des choses parce que toi-même vérifie dans ta vie ce que sont les choses que tu es toujours attaché, si ce soit des amis, la famille, la tradition. Amen. Those things will take you away from him. It's a matter of time. Diese Dinge werden uns von Christus wegnehmen. Toutes ces choses, ça va te entscheiden zwischen den beiden. Toutes ces choses, ça peut te coûter Jésus-Christ. Alors, on doit faire un bon choix. Praise the Lord. Amen. He said, "And do count them but don't." That I may win Christ. Because if not, I cannot win Christ. If I don't live all, I cannot win Christ. Wenn ich I don't know what you are still holding. Abgebe, dann kann ich Christ nicht gewinnen. Paul dit, je les considère comme bonnes à être mis au rebut afin que de gagner Jésus-Christ. Je ne peux pas gagner Jésus-Christ si je ne laisse pas toutes les choses derrière moi. Amen. Amen. You know, I talked about myself earlier today that I thank God that how I was brought up, it helped me in some way. Ich habe heute darüber gesprochen, über meine damalige Erziehung und dass mir das teilweise heute noch hilft. J'ai parlé au début que je remercie le Seigneur de comment je suis grandie parce que ça m'a aidé dans certains points. You know that, you know, I never have friends, talk less of giving them all for Jesus. Ich habe keine Freunde gehabt, geschweige denn, dass ich sie für Jesus aufgeben müsste. Je n'ai jamais eu des amis que je devais rejeter à cause de Jésus. I don't know, I don't have you know cousins that are so close. My father never allowed us even to move with cousins. Cousins, the brothers, families, friends, families. His brother's children. No. He doesn't even want them. Because he said he don't know who they move with. Und selbst mit meinen Cousins und Cousinen durfte ich keinen Kontakt haben, weil er wiederum gesagt hat, ich weiß nicht, welche Freunde diese Leute wiederum haben. Und dann ist es ja wieder sozusagen in Anführungszeichen ansteckend. Und deswegen müsste er, wenn dann dabei sein, um sich anzuhören, worüber wir reden, was wir machen. Aber sonst ist das inakzeptabel. Mon père m'a même interdit de être avec mes cousins ou être entourage de leurs amis parce qu'ils ne savaient pas qui sont leurs amis. His brothers, his sisters, we never go visit their children. They never visit us. It was after he died that we now know them. Before he died, we don't know any of them. Because for my father, is, you know, he's so much. Yeah, because they have experienced a lot of things. How family destroy families. So he was so careful. Und weil mein Vater viel erlebt hat und gesehen hat, wie Familien sich gegenseitig oder untereinander zerfetzen, hat er gesagt, dass er sich von sowas fernhalten will und deswegen hat er dann diesen Käfig sozusagen gebaut. Mon père nous a tellement interdit d'avoir le contact avec notre cousin parce que malgré ils ont eu beaucoup d'expériences mauvaises à cause d'histoire des familles, il a toujours essayé de nous encadrer dans une seulement entre nous. It was all based on fear. That of Christ is based on love. Amen. But that of my father was based on fear. Aber das von Christus ist based on Liebe. Just the natural love. La façon que mon père nous a essayé de nous laisser seulement entre famille, entre nous, ça venait du peur, mais celui de Christ vient d'amour. And so, you know, I don't have a lot of things to justly, but some of you, I can see that, you know, for you it is like real battle to get out of, you know, to allow it to just be Christ alone. Deswegen habe ich in diesem Bereich sozusagen nicht viel zu verlieren gehabt, weil ich keine großartig Freunde hatte oder großartig Familie hatte, mit der ich sehr, sehr eng und nah zusammen Beziehung hatte. Aber für einige von uns ist das anders. Da ist das noch sehr schwierig, diese Bindungen loszulassen und sie Christus zu überlassen. C'est pour cela, quand je vous regarde, vous les enfants, je vois que certains de vous ont encore des difficultés de se détacher dans cette cas des familles ou bien des amis qui sont pas bons pour notre vie en Christ. Amen. Amen. Even it's only my mother's children, my father's children that we are close to. But you know, once we are now married, we go different ways. No, the things start changing. It's no longer as close as before. Mm-hmm. And, you know, it was not so heavy in me, the love of the natural love that is so heavy in some of us, to some of you today. So please allow it to be the love of Jesus Christ. That you are sharing with them. Die Liebe von Jesus Christus ist, die du mit diesen Leuten aus der Vergangenheit teilst. Il faut laisser autoriser l'amour de Jésus-Christ à travers les gens que tu es entouré. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. I'll be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, which is of religion. Amen. Not having my own righteousness, which is of religion. Nicht meine eigene Gerechtigkeit zu haben, die aus der Religion stammt. De ne pas avoir ma justice à moi-même qui vient de la religion. Amen. Verset 9. But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then in verse 10 it said that I may know him and the power of his resurrection. Verse 10. And the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. Praise the Lord. Amen. We stop there. Amen. Praise Jesus. Amen. Paul called the natural intelligence shit. Paul hat die natürliche Intelligenz Dreck genannt. Paul a appelé l'intelligence naturelle une merde. Jesus told us how to be great. Jesus hat uns gesagt, wie wir groß sind. Jésus nous a appris comment être grand. He told us how to be intelligent. Wie wir intelligent sind. What our intelligence should be. Comment être intelligent. Matthew 18. Matthieu 18. Let's go to Matthew 18. Matthieu 18. How to be the greatest. Wie wir die Größten sind. Comment être le plus grand. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, then we are arguing about the greatest. Sie haben darüber diskutiert, wer der Größte ist. Les disciples ont How to be the winner. Ils ont discuté comment être le plus grand. Somebody getting something here. Amen. So at the same time, came his disciples unto Jesus, saying. À partir des versets. Who is the greatest in the kingdom of heaven? I don't know if you're getting it. Amen. Praise the Lord. Oh, verse 1. And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. And he said, Verily I say unto you, except you be converted, and become as a little child, and the little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. I don't know if you are getting something here. The greatest should be the naughty. Der größte sollte eben der Dummkopf sein. Le plus grand devait être celui qui est bête. Praise the Lord. Yeah. You know this thing that people do. Children cannot even do it. Jesus says, until we are like that, we cannot enter. All die Dinge, die wir tun, Kinder können die Sachen gar nicht tun. Aber der Herr sagt, erst wenn wir so sind wie diese Kinder, können wir das Königreich Gottes. Toutes les choses que les adultes font, les enfants ne peuvent pas le faire. C'est pour cela que Jésus dit qu'on devait être comme les enfants pour être le plus grand dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. He said, believe in Christ. Amen. You know, believe in him. You believe. You are converted. That is now about Christ alone. Just like for babies or little children, it's all about their parents alone. Und wir sind da sozusagen verwandelt zu Kindern. Für die children, ihre Eltern alles ist. Genauso wie für uns Kinder Gottes, Jesus Christus, alles ist. Alors on est changé comme des enfants. Parce que pour les enfants, leurs parents, ils sont tout. Alors pour nous, les enfants de Dieu, c'est la même chose que Jésus, il est tout pour nous. He said, believing Christ is how we are intelligent. Gesagt, indem wir Christus glauben, so sind wir intelligent. De croire en Jésus, c'est comme ça qu'on est intelligent. How little baby, how little children believe their parents, their father. Are you getting it? Their trust is so much on them. They are going to fire, they will not question. They go so stark auf ihren Eltern, dass sie mit ihnen durchs Feuer gehen würden. Les confiances des enfants sont tellement fortes à travers leurs parents que ils sont aussi capables d'aller dans le feu avec leurs parents. C'est comme ça notre confiance doit être en Christ. If I lose our babies here, Sariah, Jezreel, Isaiah, you know, if I use them, if you anywhere you dress them to go with you, they don't ask you question. Why are we going? Why must we go? Must I be with you? Why must I go? Why this time? I want to. You know, they question you not. He said, until you are like that, that. Wenn ich an unsere kleinen Kinder hier denke, Jezreel, wenn man die anzieht und ins Auto schmeißt, dann kommen die einfach mit, die fragen nicht wohin, wie lange dauert das, hast du getankt, hast du alles dabei, ich habe mal Durst, sind die Getränke kalt, die stellen diese ganzen Fragen nicht, die kommen einfach mit. How are we going to have it? Si je compare notre bébé ici, quand on les habille, on part dans des endroits ou bien quelque part, ils ne posent jamais des questions à les parents. On va où? Tu as besoin que je te donne l'argent? On a besoin de ça? Non, ils font confiance à leurs parents. In verse 1, it says, Whosoever therefore shall humble himself as this little child, shall humble. Are you getting something here? Amen. C'est soumettre à Dieu. Amen. Amen. Oh, daddy. You know, little children, they never even decide to go to parties. Their parents have to even take them there. It's their parents that take them there. Kleine Kinder oder Babys, die haben keine Meinungsfreiheit sozusagen, wenn es darum geht, ob man zu einer Feier geht oder an einem Ort geht. Ihre Eltern entscheiden, dass man da hingeht und dann werden die angezogen und werden mitgenommen, ganz einfach. They don't know what it is. Les petits enfants, si ça s'agit d'aller à la fête ou bien dans les anniversaires, c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est le parent qui prend les décisions et les habille, après ils vont à la fête. We thank God that Jesus gave us the Holy Spirit. If not, Jesus is wicked. Wir danken dem Herrn, dass Jesus. Wir sind dankbar, dass Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat, weil sonst wäre er ja gemein, weil Weil? Weil niemand. Sie kann nur walk out TV. Okay. Mm-hmm. Weil niemand ja so leben kann. On remercie Jésus qui nous a donné le Saint-Esprit, sinon ça sera très difficile pour nous d'atteindre ce qu'il a écrit dans ces versets. Are you getting it? Amen. He's not a wicked God. Aber er ist kein gemeiner Gott. Mais il n'est pas méchant, Jésus. And that's why he gave us er ist ein liebender Gott und deswegen hat er uns einen Helfer gegeben. Il est un Dieu d'amour. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. That he wants us to be. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Somebody's greeting me there. Praise the Lord. Amen. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Amen. Amen. The greatest, the winner, should be somebody that is all about Christ. Der größte, der Gewinner sollte der sein, bei dem es um Christus geht. Le plus grand dans le royaume des cieux devait être celui qui met Jésus dans le centre. And whosoever shall receive such little child in my name, receive me. Until you are like that little child. Who receive you does not receive Jesus Christ. Und wenn du nicht wie dieses kleine Kind bist. I don't know, are you getting something? Dann ist das nicht so, dass wer dich annimmt, nimmt Jesus. It's not for everybody. It's not for everybody. Weil der Vers gilt ja nicht für jeden. Et si tu n'es pas born again, everybody that receives will receive Jesus. No, it's a big lie. Until you humble yourself and be like that little child. That's what Jesus is saying. Et si tu t'abaisses pas comme ses enfants, le verset 5, ça n'apparaît pas de toi. Then if I see self, but whosoever shall offend one of these little ones which believe in me is to a better for. Can you see that little child? Verset 6. This is this kind of kind. You know, you have to prove yourself if you are that little child. Du musst dich selbst judge prüfen, bin ich dieses kleine prove Kind? Prove. Toi-même vérifie si tu es comme cet enfant. Amen. Mm-hmm. Are you this little child? Prüfe dich, bin ich dieses kleine Kind, von dem Jesus spricht? Vérifie toi-même, est-ce que tu es cet enfant que Jésus est en train de parler? To prove it, that should not lead you to condemnation, but to repentance. Und dieses Prüfen soll nicht dazu führen, dass du dich fertig machst, sondern dass du Buße tust und umkehrst. Et c'est de vérifier si tu es cet enfant, ça ne veut pas dire que tu commences à te maudire. Ça veut dire que tu te condamnes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then verse 7 said, woe unto the world because offenses. For it must need be that offenses convert to woe to that man by whom the offense cometh. Verse 7. Fighting one another is so deadly. Einander zu bekämpfen ist so tödlich. C'est très dangereux de se disputer entre les enfants de Dieu. Amen. Amen. Wherefore, if your hand or foot offend you. Verset 8. You know, it's not even our hand at our foot that is offending us. Friends are offending us. Wenn nicht nur unsere Hände und unsere Füße sind uns ein Anstoß, sondern die Leute, mit denen wir Zeit verbringen. C'est pas seulement notre main ou bien notre pied qui nous cause la chute, c'est souvent aussi notre ami ou bien les gens qui on est encore entouré. You know, we say a little thing, just a little shit. Put a little shit in your spaghetti, you cannot eat it. Wir sagen immer, es ist nur call it ein bisschen, Sünde, ein bisschen little shit. Put it in your cooking, your cake. And see if you can eat it. Aber wenn wir nur ein bisschen Dreck in unsere Speise reintun würden, in unseren Kuchen, unser Essen, würden wir das dann trotzdem essen, was so ein bisschen ist? On dit toujours, ouais, c'est une petite péché, ce n'est pas vraiment grave, mais est-ce que tu vas manger quelque chose qui est poisonné? Juste un petit peu. Oui, juste un peu poisonné. Just a little joy of this world, we allow it. Satan to use it. You know, the day you plant a seed, it's not the day you harvest it. You know, sometimes you just go and come and nothing happens. You just and nothing happens. You know, if a woman is pregnant, she might not even know she's pregnant, but she's pregnant. Und nichts ist passiert, aber du hast Samen gesät und die werden irgendwann wachsen, weil genauso auch bei einer Frau, das Kind ist erst 9 Monaten da und erst nach ein paar Monaten oder Wochen erst sichtbar, dass sie überhaupt schwanger ist, aber dennoch ist sie schwanger, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. On dit toujours, ouais, rien s'est passé, j'étais là-bas et tout s'est bien passé. Mais quand tu plantes une sème, ça prend du temps jusqu'à ce que ça produit des fruits. You have chosen them is preventing them from coming to Christ. Dass du dich für sie immer wieder entscheidest, sorgt dafür, dass sie nicht zu Christus kommen können. The Holy Ghost cannot walk. Weil der Heilige Geist da nicht arbeiten kann. À chaque fois qu'on le choisit, ça empêche Jésus de venir à travers eux. Except you choose Christ, the Holy Ghost cannot walk. Weil nur der Heilige Geist arbeitet nur um Christus willen und wenn wir Christus nicht wählen, kann er nicht arbeiten. Si on ne choisit pas Jésus, on choisit les hommes. Le Saint-Esprit peut pas travailler. On doit choisir Jésus pour que le Saint-Esprit peut travailler. Therefore, if your hand or foot offend thee, cut them off. Amen. Amen. If Jesus can say your hand, your foot, your eyes, pluck it off, cut it off. How much more are people? Und wenn Jesus sagen kann, dass wir uns unsere Gliedmaßen abtrennen sollen, wie viel mehr Menschen, wie viel mehr Beziehungen? Si Jésus dit en verset 8 qu'on devait couper nos mains et nos pieds qui nous causent la chute, combien plus les gens ou bien les relations qu'on est? No, you know, the radical is so easy for them to cut things off. Für die Radikalen ist es einfach, Dinge abzuhacken, weil ihr Fokus auf Christus liegt und sie deswegen wissen, dass Christus größer ist als die Sache, die sie abhacken. Pour les gens radicals, c'est facile à couper toutes ces choses-là parce que ils savent que Jésus est tout pour eux. You are not in competition with anybody. Wir sind mit niemandem in einem Wettbewerb. Tu n'es pas dans une compétition avec quelqu'un. And so stop looking at them and comparing yourself to people. Deswegen hör auf, dich mit Leuten zu vergleichen. Alors arrête de te comparer avec les gens. Stop comparing yourself to the flesh. Hör auf, dich mit dem Fleisch zu vergleichen. Arrête de te comparer avec la chair. Remember John 6:63, the flesh profited nothing. Erinnert euch an Johannes 6:63, dass das Fleisch nichts nützt. Rappelez-vous à Jean 6:63 que la chair ne profite rien. You are of the spirit. You never, you never compare yourself to the flesh. Tu vergleichst dich nicht. You are greater. Tu te compares jamais avec la chair parce que tu es plus grand que la chair. Amen. Amen. You are not in the same class. Amen. Tu bist nicht in der gleichen. The same level. You are not. Tu es pas dans la même dans le même niveau. Du bist am Leben und sie sind tot. Toi tu es vivant et ils sont morts. They may even be going to the same church with you. Ou selbst wenn sie in die gleiche Gemeinde gehen. Même si ils vont dans la même église que toi. Or going to another church, you know, going to the same church or wherever church. Amen. Oder irgendeine Gemeinde besuchen. Ou bien dans n'importe quelle autre église. You know, in Jesus' ministry. Jesus had his own ministry when he was here. Jesus hatte seine eigene Gemeinde, als er hier auf Erden war. Quand Jésus était ici sur terre, il avait son propre ministère. There were not one or two. Es war nicht eins oder zwei. But more. Ce n'était pas un bien deux. Amen. His ministry. His disciples. Amen. Seine Gemeinde. They were under his ministry. Sie waren unter seiner Gemeinde. Ses disciples étaient en dessous de son ministère. Judas was one of them in his ministry. Und Judas war einer von ihnen. That's why it's not about, you know, that's why don't see others and compare yourself. I don't know if you are getting it. John should not compare himself to Judas. Und Johannes sollte sich mit Judas the same ministry vergleichen. How much more awesome. Et Jean ne devait pas se comparer avec Judas parce qu'ils étaient tous en dessous du ministère de Jésus. Amen. Amen. Judas was one of them. Judas war einer Thomas von was one of them. Thomas war auch einer von ihnen. You know, we know those two. What happened? What betrayed him? The other refused to believe him until he see Einer hat ihn angezweifelt, der andere hat ihn verraten. Tu connais les histoires des les disciples. L'autre, il a trahi Jésus et l'autre, il n'avait pas la foi. You know what is that we all have the same ministry, but something else, no? Haben alle zur gleichen Gemeinschaft, Gemeinde gehört, aber jeder hat sich anders entschieden. Chacun de eux était en dessous de, du ministre de Jésus, mais, ministère de Jésus, mais eux tous ont pris leur propre décision. Deswegen bin ich nicht überrascht, wenn Dinge hier passieren. C'est pour cela je suis pas surpris si des choses se passent ici dans l'église. Again, one betrayed him, and one made up his mind never to believe him until he see. Der andere hat, einer hat, hat ihn verraten, der andere hat entschieden, ihm nicht zu glauben, bis er Beweise sieht. L'autre disciple a trahi Jésus et l'autre il a douté Jésus jusqu'à ce que Jésus l'a montré ses blessures. That we have the same church does not mean that we believe or have the same Christ. Weil wir in die gleiche Gemeinde gehen, heißt das, dass wir den gleichen Christus haben. Juste parce que on va dans le même dans le même église, ça ne veut pas dire qu'on a tout le même Christ. Für ein paar Leute ist das hier wie bei der in the school, wie bei der Fahrschule, wenn du eine 13 theoretischen Stunden abhaken musst. Und du musst dann auftauchen, dann wirst du abgehakt und dann hast du dein Häkchen für den Tag. Parce que pour certaines, l'église, c'est comme aller à l'école. Somebody was here 3 years. I don't want to call his name. You can ask somebody later, amen. 3 years, it was as if the light was on nobody at all. Es gab jemanden, der 3 Jahre hier in diese Gemeinde gegangen ist. How can somebody, I don't know. I was even seeing him as a spy. Und gefühlt hat die Gitarre da eine Ecke mehr vielleicht mitgenommen. Because I don't know how you can come to the house of Christ and listen and still remain the same. Weil ich nicht verstehen kann, wie du immer wieder in das Haus Gottes gehst und immer wieder gleich bleiben willst. Il y avait quelqu'un qui était ici pendant 3 ans à l'église, mais malgré ces 3 ans, il n'a pas changé. Il est toujours encore resté le même personne. This one cent is not in this ministry, one cent. Und selbst ein Cent von diesem Menschen ist nicht in dieser Gemeinde. Même pas un euro est rentré dans l'église. He could not stay because where your treasure is, your heart. Und dieser Mensch konnte nicht bleiben, weil dort, wo dein Schatz nicht ist, wirst du auch nicht auf Dauer bleiben. Et cette personne n'était pas capable de rester parce que là où ton trésor est, c'est là que tu vas aller. Et son trésor n'était pas. Now this person know how to receive very well. Aber diese Person weiß, wie man akzeptiert, wie man empfängt. Aber geben. Evil. Et cette personne, il savait comment recevoir, mais elle ne savait pas comment donner. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. No, it's like Judas. So Judas. C'est comme Judas. C'est Thomas. Ou bien Thomas. It is not a must that Judas must betray Jesus. Es war kein Muss, dass Judas Jesus not a must. Why must he be you? Ce n'était pas obligé que c'est Judas qui trahit Jésus. Der Teufel hat gewirkt, aber wieso durch dich? Le diable il était capable à agir, mais pourquoi à travers toi? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, going to Jesus' ministry, Jesus himself. And this person, you know, outside that, okay, people, not inside. Are you getting it? Somebody that was part of the ministry. Jemand, der Teil der Gemeinde von Jesus Christus ist, hat ihn verraten. Upon all the message, upon all the wonders, upon all the victory, everything Jesus did before, that he saw. Judas était dans le ministère de Jésus, mais il a trahi Jésus. Malgré tout les messages qu'il a écouté, obwohl er die ganzen et les miracles qu'il a vu, Wunder gesehen hat, obwohl er die ganzen Botschaften gehört hat, die Zeugnisse miterlebt hat, dennoch, wie viel mehr heute in unserer Zeit hier? Combien de plus que aujourd'hui ici dans l'église? Praise the Lord. Alleluia. Salvation is personal. Errettung ist eine persönliche Sache. La salut est personnel. Even husband and wife. Going to the same church. Und das gleiche geht auch für Ehepaare. Même les gens mariés. They are believing Christ is equal. Mm. Nur weil Ehemann, Ehefrau in die gleiche Gemeinde gehen, heißt es, dass ihr Glaube gleich ist. Juste parce que les gens mariés vont dans les mêmes églises, ça ne veut pas dire que leur foi c'est dans le même niveau. Praise the Lord. Alléluia. Amen. The radicals learn to continue with Christ, no matter what. Radikalen lernen mit Christus weiterzumachen, egal was es kostet. Les gens radicales, ils apprennent à continuer avec Jésus malgré tous les prix qui va le coûter. Sind bereit, den Preis zu zahlen. Amen. Ils sont prêts à payer le prix. Amen. Amen. Remember John 6:66. A lot left Jesus. Viele haben Jesus verlassen. Dans Jean 6, il y a beaucoup de disciples qui ont commencé avec Jésus, mais qui ont quitté Jésus. But the radicals said, where are we going? Nowhere. Aber die Radikalen? Nowhere. Die haben sich nochmal umgedreht und gesagt, wo sollen wir gehen? Mais les radicaux, ils ont dit, no matter how hard it is. Jésus, où veux-tu qu'on aille? Parce qu'on a tout laissé. Hinter uns ist nichts. Wo sollen wir sonst hingehen? Derrière nous, y a plus rien. Jean 6. Jean 6. A little bit. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. It said from that time. Jean 6. 66. Johannes 6. Jean 66. He said, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Look at something here. They went back. They left him. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Why did they leave? Wieso sind sie gegangen? Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté Jésus? In verse 60, he said, many therefore of his disciples, when they have heard this, say, this is an hard saying. Who can hear it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, as the going might get tougher. Und auf dem are you going to continue? Auf dem Weg wird der Weg schwerer und härter und die Luft wird immer dünner und wirst du weiterlaufen können? Le chemin que tu es en train d'aller avec Jésus, ça devient plus et plus difficile, mais est-ce que tu es capable à continuer ce chemin? You know, Jesus never begged anybody. Jesus hat niemanden angebettelt. Er ist kein Bettler. Amen. He's a giver, not a beggar. Er ist ein Geber und kein Bettler. Jésus a jamais supplié les gens. Amen. He just leave them, to, you know, let them choose hell. It's their business. It's their choice. My kingdom is a kingdom of choice. Weil er hat gesagt, mein Königreich ist ein Königreich der I respect der your Wahl, choice. Der Freiwilligkeit, der des freien Willens. Des freien Willens, genau, des freien Willens. Jeder muss für sich entscheiden. Ob für Jesus oder gegen Jesus. Und er lässt jeden die Hölle gehen, der da rein will. Et Jésus a dit que son royaume, c'est un royaume de choix. Alors chacun a sa la liberté à choisir Jésus ou bien à laisser Jésus. Look at verse 67. Then said Jesus unto the 12. Will you also go away? Will you go away? Geht ihr auch? Est-ce que vous voulez vous pas aussi partir? Demande Jésus dans verset 67. Amen. The door is open. Tu es auf, weit la porte auf. Est ouverte. Will you also go away like that? Tu es auch gehen wie sie. Toi aussi tu vas partir comme eux. Amen. Amen. You know sometimes one person just leave, others they are following him. Manchmal ist das so, wenn eine Person geht, gehen einfach alle mit. Amen. Souvent, because it's not about Christ for them. Souvent, si une personne part, les autres lui suivent. Parce que ça ne choisit pas de Jésus, ça choisit du personne. That's always be about people. Weil diese Leute sozusagen an Fäden an anderen Leuten hingen. Und wenn sie gehen, dann werden sie natürlich mitgezogen, weil sie nicht mit Jesus verbunden waren, sondern mit diesen Menschen. Parce que ces gens sont attachés à les hommes et pas à Jésus-Christ. Alors si ces personnes partent de l'église, c'est normal qu'eux aussi vont le suivre. Then 68. Then Simon Peter. You know, the radicals answered him. One of the radicals answered him. Lord, to whom shall we go? Amen. That has the words of eternal life. Amen. And we believe and are sure that thou art that Christ, the the Son of the Living God. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Jesus answered them, Have I not chosen you 12, and one of you is a devil? Mm. Praise the Lord. Yeah. I will not like it at all for Jesus to call me devil. Ich will niemals wollen. Jésus dit, ne c'est pas moi qui vous ai choisi tous les deux, reprit Jésus, et pourtant l'un de vous est un diable. Moi, personnellement, je voudrais jamais que Jésus m'appelle un diable. Praise the Lord. Alléluia. The radicals never go back. Les gens radicaux, ils retournent jamais. They are in their final bus stop. You know, final bus stop. That's Christ. Final. Die Radikalen sind an der Endhaltestelle. Endhaltestelle. Jésus pour les gens radicaux, Jésus est leur terminus. You know, that is the one. That is one of the characters of the radicals. They never go back. They never look back. Sie schauen auch nicht zurück. C'est ça le caractère des gens radicaux qui regardent jamais en arrière. Abraham's mind was not full of the past. He could have gone back. Never go back. Abrahams Gedanken war nicht voll von der Vergangenheit, sonst wäre er wieder zurück. Abraham avait jamais son pensée à le passé, sinon s'il allait retourner. Look at what Paul said in Philippians 3. Let's go to Philippians 3. Philippians 3. He said, one thing I do. That's the radical. One thing they do. Mm-hmm. They do one thing. Forward ever, backward never. Mm-hmm. Forward with Christ ever. Die Radikalen, sie schreiten immer mehr nach vorne. Sie ziehen nach vorne und niemals zurück. Les radicaux, ils avancent toujours, mais ils ne retournent jamais. Praise the Lord. Philippiens 3. Philippiens 3. Verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended. 13. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. I'm reaching forth unto those things which are before. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is one of the characters of the radicals in Christ. Ich lese nochmal, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Amen. Paul dit dans verset 13, non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi les prix, mais j'ai fait une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de tout mon énergie vers ce qui est devant moi. Amen. You can also see that same character with Peter. Und diese gleiche in John 6:68 that we read. Amen. Gleiche Where are we going? We are going nowhere. Hatte auch Petrus. The same character. Et les mêmes caractères avait aussi Pierre. Là, on vient de lire le passage dans Jean 6. Amen. Amen. Not going back. Kein Zurückgehen. Jamais de retour. What about you? Was mit uns? Et toi? Was mit dir? Amen. Remember those people that left Jesus. They were once with him. Erinnert euch an die Leute, die mit Jesus waren. Sie waren einst mit Jesus. Rappelle-toi des gens qui étaient avec Jésus dans Jean 6. They were following him everywhere. Sie waren überall. Looking for him everywhere. Haben ihn überall gesucht. Ils étaient partout avec lui. Ils ont cherché Jésus partout. Until he came to the hard say. Als es dann die harten Worte ging. Jusque quand ça s'agit des paroles paroles fortes. Dur, oui. To start, to continue, and to end with Jesus. There are three different things. Mit Jesus anfangen, weitermachen und es zu Ende bringen. Das sind drei verschiedene Schritte. De commencer avec Jésus, de continuer avec Jésus et de finir avec Jésus, ce sont trois choses différentes. Praise the Lord. Amen. Amen. In James 1. Let's go to James 1. 1. Amen. Jacques 1. Amen. James 1. Amen. Amen. Jacques 1. 25. 25. James 1, 25. It said, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continue therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Jakobus 1, 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir attendu, il lui conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. To hear, to believe and to be the doer. Hören, glauben und der Täter des Wortes sein. Écouter, avoir la foi et être et se conformer à l'acte. To be the doer means to obey. Der Täter sein heißt zu gehorchen. Être acteur, cela veut dire d'écouter, d'obéir. Until you obey, you never believe. Weil erst wenn wir gehorchen, dann glauben wir auch. Tu dois d'abord obéir avant que tu aies la foi. Until you ask, you never believe. Est-ce que wir handeln, glauben wir? Est-ce que on doit faire l'acte? Non, on doit avoir la foi avant de faire l'acte. Your action is a proof that you believe. Dein Handeln beweist, dass du glaubst. Ton action, c'est une preuve que tu as la foi. Are you getting something? In verse 18 of James 2, look at it. Verset Jacques 2, verset 18. Jakobus 2, 18. 18. Your action is a proof that you believe. Dein Handeln zeigt, dass du glaubst. Ton action est une preuve de ta foi. He said, yeah, a man may say that I have faith and I have work. Show me your faith without your works, and I will show thee my faith by my work. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. My action will tell you who I believe or what I believe. Mein Handeln wird zeigen, wem ich glaube. Mon action va montrer à ceux que je crois. In verse 17 of James 2, he says, even so, faith, if it hath not work, is dead, being alone. Jakobus 2,17, da steht, dass wenn dein Glaube nicht mit Werken gemischt wird, ist er tot. Verset 17, il est écrit, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. In another word, it means, without your action, you don't believe. Das heißt, ohne deine Werke glaubst du nicht. Are you getting it? Cela veut dire, sans ton action, si tu n'as pas d'action, tu n'as pas la foi. A dead faith means you don't believe. Une foi morte, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Learn to be the hearer and the doer of Christ's word. Lerne der not just the hearer alone. Der Täter, the hearer, der the Hörer. Believe and the doer. Lerne you hear, you believe and you do. Lerne der Hörer und der Täter des Wortes zu sein, indem du an das Wort glaubst, was du hörst. Apprends à pas à être une personne qui obéit la parole, qui fait l'action et qui a la foi à la parole. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If that same, James 1 from verse 22. Let me see. James 1 from verse 22. Look at it, 25. He said, but be ye doers of the word, and not hearers alone. Sei Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Jacques 1, 22. Are we there, please? Amen. Praise the Lord. Amen. But be ye doers of the word and not hearers alone, deceiving your own selves. You know, you might come to me to, you know, tell me things. I will just give you what the Lord has for you. It depends on if you are going to believe and act. Es kommt darauf an, ob du glaubst an das, was ich dir weiter sage. Aber viele von uns machen sich was vor. So that I will not say I did not ask. Ça dépend, ça dépend en vous si vous me croyez, qu'est-ce que je vous dis, ou bien si vous ne me croyez pas. Nothing can talk you out. Not even Christ. Niemand kann dich, kann dir die Sache ausreden, und nicht mal Jesus. Personne peut te. Peut changer ta conviction. But be ye doers of the word, and not hearers only. Amen. I not hear, but there, you know, once they jump here, just go from here. Not two holes. From here, come out here. The pew. Come in. Pew. Und viele sind einfach nur Hörer und es geht einfach von dem einen Ohr in das andere Ohr hindurch und es ist weg. Et beaucoup de nous sont seulement des écouteurs, ça rentre et ça sort. You know, anytime I hear that you are the doer of the word, I rejoice so much. Immer wenn ich höre, dass ihr die Täter des Wortes seid, freue ich mich. You believe so much and you are active. À chaque fois que j'ai, à chaque fois que j'attends que vous vous vous fêtez des actions, vous n'êtes pas seulement des écouteurs. Je suis toujours dans la joie. Und es freut mich, dass ihr nicht nur hört, sondern auch das umsetzt, weil ihr glaubt. It's like deceiving your own self. Deceiving your own self and not the pastor. Dass wir uns selbst was vormachen, nicht den Pastor. I'm not Jesus, I'm not the pastor. You are deceiving yourself. Who is Satan going to steal, kill and destroy you? Parce que si tu, not Jesus. Tu restes seulement l'écouteur, ça veut dire que tu te trompes toi-même, tu ne trompes pas les pasteurs ou bien les autres. Weil wer wird zur Zielscheibe des Satans, wenn er im Unglauben wirkt? Du und nicht Jesus. Parce que c'est toi qui aura des combats quand le Satan va commencer à t'attaquer. He said, for if any be a hearer of the word, I'm not a doer. He is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way. And straightway forgetting what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continued therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the work. Can you see somebody, the qualification? Amen? He's qualifying the radicals. Amen? Yeah. He said, this man shall be blessed in his deed. Er sagt jetzt, was die Eigenschaften dieses Menschen sind. Dans verset 25, l'entrée de décrire les caractères de quelqu'un qui est radical. Continue therein, and be not a forgetful hearer, but a doer of the word. A doer of the word. Ein Täter des Wortes. Être faire des actes, pas seulement quelqu'un qui écoute. Not a forgetful hearer. Never forget what the message. It's ringing bell in him. Und die Botschaft nicht vergessen. Et quelqu'un qui n'oublie pas le message. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, this man is blessed indeed. Dieser Mensch ist wirklich gesegnet. Cet homme est vraiment béni. You know, the radicals, their focus is so much on the Holy Spirit. Die Radikalen, ihr Fokus liegt auf dem Heiligen Geist. Les radicaux ont tellement leur focalisation dans le Saint-Esprit. Their focus is on the Spirit through Christ. Ihr Fokus liegt auf dem Heiligen Geist durch Christus. Ils voient le Saint-Esprit par Jésus-Christ. And not without Christ. Nicht ohne Christus. Et pas sans Jésus-Christ. Not is through Christ. Durch Christus. seulement à travers Jésus. And not Holy Ghost without Christ. Nicht der Heilige Geist ohne Christus. Et pas le Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Holy Spirit without Christ is not Holy Spirit, it is an evil spirit. Der Heilige Geist ohne Jesus Christus ist nicht heilig, es ist dann ein bösartiger Geist, ein teuflischer Geist. Le Saint-Esprit sans Jésus-Christ et pas un esprit saint, c'est un esprit démoniaque. Amen. Amen. It is also like persecution. It is not persecution without Christ. It is persecution in Christ Jesus and not persecution in religion. Mm. I don't know if somebody is getting it. Und genauso ist auch mit der Verfolgung Christus. Go quickly go to 2 Timothy. Werden wir verfolgt und nicht um der Religion willen. Et c'est la même chose avec la persécution en Christ et pas la persécution en religion. You know, if they are persecuting people, I always want to know if it is through Christ, if it is Christ Jesus, or, you know, I prove it. I prove all things. Wenn Leute verfolgt werden, dann prüfe ich das immer. Geht es da wirklich um Jesus Christus oder um etwas anderes? Si les gens sont persécutés, je vérifie toujours si ça s'agit de Jésus-Christ ou bien si ça s'agit de quelque chose d'autre. 2 Timothée 3, verse 12. 2 Timothée 3, verse 12. 2 Timothée, verse 12. 3, verset 12. He says, yea, and all that we live godly in Christ Jesus and not outside Christ Jesus, in Christ Jesus shall suffer persecution. Hier steht ganz klar, gottesfürchtig leben in Jesus Christus, nicht nur gottesfürchtig leben. Dans verset 12, il est écrit à vivre dans les piètes par leur union avec Jésus-Christ. Now the religious people, they live godly, but not in Christ Menschen Jesus. Leben auch göttlich. The Muslim, they live godly, but not in Christ Jesus. Muslimen leben auch gottesfürchtig, aber nicht gottesfürchtig in Christus Jesus. Parce que les gens religieux aussi, ils vivent dans la piété du Seigneur, mais pas dans la piété par leur union avec Jésus-Christ. Those under law, they live godly, but not in Christ Jesus. Under Moses, in Moses, that is how they live, but not in Christ Jesus. Die Leute, die im Gesetz leben, leben auch gottesfürchtig, aber gottesfürchtig unter Mose und nicht in Christus Jesus. Parce que les gens qui That's why Jesus called That's why Jesus called their father the devil. Parce que les gens qui vivent dans la loi, ils vivent dans la crainte de Dieu, mais pas dans l'union avec Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus dit que leur père est le diable. Amen. Amen. Und deswegen nennt Jesus ihren Vater auch den Satan, weil alles, was sie tun, ist von ihm wird von ihm geführt, gelenkt und auch gepusht. Amen. Amen. Whatever we do or happen to us must be in Christ Jesus. Aber bei uns alles, was wir tun, muss in Christus Jesus passieren. Amen. Mais chez nous, tout ce qu'on fait doit être en Jésus Christ. You don't pursue the Holy Spirit without Christ. Wir jagen nicht dem Heiligen Geist hinterher ohne Jesus Christus. On ne persécute pas le Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Without Christ, it means you have another spirit. That is, you are pursuing another spirit, which is an evil spirit and not the Holy Spirit. Weil ohne Jesus Christus dienst du einem anderen Heiligen Geist, der nicht der Heilige Geist ist. Parce que sans Jésus-Christ, tu es en train de croire en un Saint-Esprit qui n'est pas de Jésus, mais qui est démoniaque. That is why it is so dangerous to be under the law. Deswegen ist es auch gefährlich, under Moses, under the Ten Commandments. Unter Mose zu leben, unter den Zehn Geboten zu leben, ist gefährlich. C'est pour cela c'est très dangereux de vivre en sous du loi du dix commandements de Moïse. Because under them the Holy Ghost is not present. Weil da ist der Heilige Geist nicht anwesend. And the evil spirit. You are going to hear a voice, but it's not from the Holy Spirit. Parce que le Saint-Esprit est pas dans la loi. Und da ist genug Raum für andere Dämonen und Geister. Und du wirst natürlich auch dann diese Dämonen und Geister, in denen du Raum machst, durch diese Religion, durch dieses Gesetz, die wirst du dann auch hören und sehen in deinen Träumen. Parce que tu ouvres la porte pour les démons à travers de vivre dans les lois. The Holy Spirit is the Spirit of Grace. Der Heilige Geist ist der Geist der Gnade. Le Saint-Esprit, c'est un esprit du grâce, de la grâce. Just like Christ Jesus is grace. Genauso wie Christus Jesus Gnade ist. Comme Jésus-Christ qui est la grâce. Das lesen wir in Johannes 1. You know, Under law, you hear voice. Unter dem Gesetz hörst du Stimmen. Under grace, you hear the Holy Spirit speaking. Genauso wie du under law, you hear voice. In der Gnade den Heiligen Geist sprechen hörst. Dans la loi, tu vas entendre des voix, mais c'est la même quand dans la grâce, tu vas entendre des voix, mais c'est le Saint-Esprit. It is not the voice of the Holy Spirit, because the Holy Spirit is not the Spirit of law. The Spirit, law means self. It's not the Spirit of self, it's the Spirit of Christ. Mm. Weil der Heilige Geist ist der Geist von Jesus Christus. Er ist nicht der Geist des Fleisches, weil das Gesetz und das Fleisch, da geht es um das Selbst, um den Menschen und nicht um Christus. Dans la loi, tu vas entendre, tu vas pas entendre la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est la grâce de Jésus-Christ. And that's why when people tell me they hear voice, I say, I want to prove it. C'est pour cela si les gens nous disent que oui, j'ai entendu une voix, on doit toujours vérifier cette voix parce que ou bien ça vient du Saint-Esprit qui est de la grâce ou bien ça vient des lois qui est la chair. Amen. Amen. Amen. Under law, you hear voice, but not the voice of the Holy Spirit, but the voice. It is a demonic spirit that dans la loi, tu attends des voix, mais c'est pas la voix du Saint-Esprit, ce sont des voix démoniaques. You know, all these demons, they speak also. Evil spirits, they speak. Lying spirits, they speak. Lügengeister sprechen auch. We'll go, quickly go through one. Tous ces démons, ils parlent tout l'esprit message. And that is why knowing the truth, what Christ called the truth, and no one religion, what denomination called the truth, cannot, it is only what Christ called the truth, cannot be manipulated by any spirit. Amen. So it remains solid. The hearing voice can be manipulated. Mm. I don't know if you are getting it. Deswegen das, was vom Geist Gottes kommt, die Wahrheit kann nicht manipuliert werden. Aber eine hörbare Stimme zu manipulieren, das geht ganz schnell. C'est pour cela la voix qui vient du Jésus-Christ qui est la vérité peut jamais être manipulée, mais les autres voix qui sont pas la vérité, c'est facile à manipuler ces voix. Praise the Lord. Hallelujah. Satan cannot manipulate the truth. Der Satan kann die Wahrheit nicht manipulieren. Er kann manipulate voice. Aber er kann eine Stimme manipulieren. Er kann eine Vision manipulieren. Le diable ne peut pas manipuler la vérité, mais il peut manipuler des visions, Praise the Lord. Hallelujah. How to walk in the Spirit is by believing the truth and obeying it. That's how to walk in the Spirit. Wir leben im Geist, how to live in the heavenly world. In einer himmlischen Welt leben. On vit par l'esprit, on vit dans l'esprit si on a notre Dieu dans la vie céleste. Amen. And that is this, you know, that is our system, our lifestyle. Und das ist unser System, das ist to unser Lebensstil. Et c'est notre système. Wahrheit glauben und danach handeln. De croire la vérité et de faire des actes à la vérité. No, First Peter. If you go to First Peter. Erster Petrus. Première Pierre. First Peter 1. Should be 1. Amen. Première Pierre 1. First Peter 1. Erster Petrus 1. He told us how to purify our soul. Er hat uns erklärt, wie wir unsere Seele reinigen. How to clean your soul. Wie wir unsere Seele reinigen. Spirit, soul, ici, c'est écrit comment on peut purifier notre corps et notre pensée et notre esprit. He says, see, you have purified your soul in obeying the truth. Verse 22. Première Pierre 1. First Peter 1:22. Verset 22. Amen. Amen. See, you have purified your souls in obeying the truth. How you clean your soul is by obeying the truth. Wir reinigen unsere Seele by rejecting it, ignoring it. Mit der Wahrheit. On purifie notre pensée avec la vérité. Everything in Christ will come through your spirit and your soul and your body. Alles im Königreich Gottes kommt von innen, es kommt von unserem Geist durch unsere Seele und manifestiert sich in unserem Körper. Tout ce qui vient du royaume de Dieu vient d'intérieur, d'abord par notre esprit, après notre pensée, après dans notre corps. Remember, tell John, he said, you prosper as your soul prospers. In good head, as your soul is in good head. Lesen wir das, unser, they are coming from inside. Unser, tell John, tell John, it's only one Wohlergehen von unserer Seele abhängig ist. Dans 3e Jean, on lit qu'on prospère par purifier notre pensée. Praise the Lord. Hallelujah. We're about to get to the message. Amen. Mm. We are so worried that we are not hearing the voice of Christ. Wir machen so viele Sorgen, dass wir die Stimme von Christus nicht hören. Des fois, on a beaucoup de soucis qu'on n'entend pas la voix de Jésus-Christ. Or that he is not speaking to us. Oder dass er nicht zu uns spricht. Bien qu'il ne parle pas, il ne parle pas. If he is not saying anything to you, it means you are on the right track. Wenn er zu dir nicht spricht, dann heißt es, dass du auf der richtigen Route bist. S'il te parle pas, cela veut dire que tu es dans le bon chemin. That is if your focus is him. Wenn dein Fokus auf ihm ist. Si tu as tes yeux vers lui. Amen. It is as if I call a child to cook for me and I'm there looking at watching the child as he's cooking or a sister or a brother. You know, if he's doing the right, you don't need to say anything. But if he's doing the wrong, then I correct. I don't know if you get it. Es ist so, als ob ich jemandem sage, ey, koch mal bitte Reis, und im Prozess des Kochens bin ich die ganze Zeit still und beobachte dich nur. Und vielleicht könnte dich diese Stille aus der Ruhe bringen, aber ich sage nichts, weil du alles richtig machst. But if you are doing the wrong thing, then I correct you. Then you hear the voice. Amen. Un exemple, par exemple, si je t'envoie dans la cuisine de préparer quelque chose, et je suis à côté de toi, et pendant que tu es en train de préparer, je ne dis rien, mais peut-être ça peut te mettre mal à l'aise, mais le raison parce que je ne te parle pas, c'est parce que tu es dans le bon chemin. Mais si tu fais, par exemple, quelque chose de mal, quand tu es en train de préparer, là, je veux dire quelque chose. You know, we always want to hear the voice of Christ that will tell us, don't go to that debauched party, don't go to that marriage. That's what we always want. Wir wollen immer die Stimme hören, die uns sagt, geh nicht auf diese Feier, geh nicht auf diese Hochzeit oder sonstiges. On veut toujours attendre une voix qui nous dit, ne va pas là-bas, ne va pas dans le mariage, ne pars pas dans cette fête. Or the gathering of people, you know, when family call together. You know, we always want to hear the voice of Christ that we say, don't go. Oder wenn wir einfach Entscheidungen treffen müssen, wollen wir hören, dass Gott einfach physisch mit einer hörbaren Stimme sagt, geh nicht oder geh. Ou bien si on veut faire des décisions, on attend toujours une voix qui dit non, ne pars pas, ou bien oui, pars. Knowing the truth and obeying the truth is how you hear the voice of Christ. Wir hören die Stimme, wir hören auf die Stimme, indem wir der Wahrheit gehorchen und sie kennen. On attend la voix de Jésus-Christ par obéir la vérité de Jésus-Christ. You choose your friend just like Jesus chose us as friends. You know that. John 15. Du wählst deine Freunde genauso wie Jesus uns als Freunde erwählt hat. Tu choisis tes amis comme Jésus nous a choisis comme ses amis. We want to run now. Let us run. John 15. Amen. Jean 15. Verse 14 and 15. First of all. 34. Are we there, please? 34. First of all, verse 14 and 15. Also 40, 40. Johannes 15. John 15, verse 14 and 15. 14 and 15. He said, you are my friends. If you do whatsoever I command you, call us friends. Er nennt uns Freunde. Amen. Praise the Lord. Jésus nous appelle ses amis. You know, you can have a sister that is not your friend. Du kannst eine Schwester haben, die nicht deine Freundin ist. Du kannst eine Mutter haben, die nicht deine Freundin ist. Tu peux avoir une sœur qui est pas ton ami, une mère qui est pas ton ami, un père qui est pas ton ami. You might not even know. You might be thinking it's your friend, but not knowing that it's not even your friend. Und bei Partner denkst du sogar, dass du mit dem befreundet bist, aber diese Freundschaft ist nur einseitig. Die andere Person denkt sich, et peut-être que tu penses aussi que tu es amitié avec eux, mais cette amitié, ça vient seulement d'un côté. Verse 15 says, henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made it known unto you. Praise the Lord. Amen. Amen. He did not hide anything from us. Er hat uns nichts verborgen, amen. Jésus ne cache rien. In verse 16. Look at verse 16. He called us friends. Why? Because he chose us. He said, you have not chosen me, but I have chosen you. He chose his friend. You choose your friend. Not your friend choosing you. Jésus a choisi ses amis. I don't know if you are getting something here. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You chose your friends through Christ. Tu choisis tes amis par Jésus. You chose your friend through Christ. And not through the flesh. Amen. Jean 15 à partir de 14. Christ chose us. Christus hat uns erwählt. You know, look at the reason why he said we are chosen. And why he called us friends. Verse 14. He said, you are my friends if you do whatsoever I command you. Verset 14. If you believe me. Wenn ihr mir glaubt. Si vous croyez en moi. You are my friend. Seid ihr meine Freunde. Vous êtes mes amis. You prove all things. Prove those that are your friends. Il faut tout vérifier. In Christ Jesus, you prove them in Christ Jesus. Und das in Christus Jesus prüfen. You choose friends in Christ Jesus. Vérifie tes amis. Freunde durch Christus. Vérifie tes amis par Jésus Christ. Satan also have friends for you. Denn der Teufel hat auch Freunde für uns. Vérifie tes amis à travers Jésus Christ, parce que le diable aussi a des amis pour nous. Satan have friends for you. Wenn der Satan hat auch Freunde. He's so clever that if he want to, if he want to do something, he will never go to unbelievers. You know, he knows that. You know, you don't even go there. He knows those to go to. You know, you keep on hearing and hearing. We will quickly go to a place that we want to show you something. Go to Second Chronicle because of time. Deswegen, weil der Satan eben halt so schlau ist, wird er halt nicht durch Second Leute Chronicle. Gehen, auf dessen Worte du eh nicht hörst, sondern wird durch Leute gehen, dessen bei dem du den zuhörst. Le Satan est tellement intelligent qu'il va pas aller à travers des gens qui ont la foi en Jésus-Christ, mais à travers Second des païens. 2 Chronique, 18. Amen. Praise the Lord. Chronique, deuxième chronique à partir à verset 1. Please also read here at home. Amen. Let it be your homework. Lisez ça peut-être zu Hause. Lisez ça à la maison comme devoir. And then you also read in the very, chapter 19, 1 to 4. Amen. Or 1 to 3. Amen. Chapter 19, 1 to 3 or 4. Amen. Amen. The whole of 18. Please read it at home. It's very, very interesting. It will help you. 19. Amen. Chapter 19. 1 to 3 or 1 to 4. Just put 1 to 4. Lisez comme devoir, deuxième chronique 18, tous les chapitres. Et. Deuxième chronique 19, des 1 à 4. We quickly go through here then. We'll be preparing to close. Amen. He said, now Jehoshaphat had riches and honor in abundance and joined affinity with Ahab. Deuxième chronique 18 à partir des 1. You know, they have a covenant. Sie hatten ein Bündnis. Johnny, have a covenant with somebody that hates God. Ein Bündnis mit jemandem, der Gott hasst. Josaphat avait une alliance avec quelqu'un qui détestait le Seigneur. Amen. If you look at here, verse 19, because of like we go there, go here. Look at what after everything in 18. Look at what happened in verse 19. Chapter 19, verse 1 to 3. Amen. Gehen wir zum Kapitel 19 und schauen uns an, was aus dieser Verschwägerschaft. And Jehoshaphat, the king of Judah. Deuxième chronique 19. Returned to his house in peace to Jerusalem. And Jehu, the son of Hanani, the seer, went out to meet him and said to King Jehoshaphat, should I go? help the ungodly and love them that hate the Lord. I don't know if somebody's getting something here. Und Jehu, der Sohn Hananias, der Seher, ging hinaus, ihm entgegen und sprach zum König Jehoshaphat: Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Deuxième chronique 19, à partir des versets 2. Jehu, fils du prophète, Hananias sortit à sa rencontre et lui dit: Penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme malfait et de s'allier avec ceux qui aisent l'Éternel? You know, here in verse 2, look at it also here. Look at it in verse 1. It's in verse 1 of chapter 18. Now, Jehoshaphat had 18:1. 18:1, on retourne. And honor in abundance and joint affinity with Ahab, with somebody that hates God. I don't know if you get it. Amen. Somebody that hates, you know, the hate, even hate your ministry. Quelqu'un qui déteste ton église, qui déteste la contestation en Jésus. Amen. I will quickly go through. Amen. From verse 3. 2 Chronik 18:3. Okay, let me read from 2 now. And after 13 years, he went down to Ahab, to Samaria, and Ahab killed sheep and oxen for him in abundance. Yeah, they do the same thing with us. Amen. You see it there. Amen. We go to them, they cook and they, you know, food everywhere. Und sie tun das gleiche mit uns. Wir gehen dorthin und sie überschütten uns mit Geschenken, mit Gaben. Coca-Cola und sind für uns da. Et tout, eating together. Ils font tout les mêmes choses comme nous. Célébrer, préparer. He said, and for the people that he had with him, and persuaded him to go up with him to Ramoth Gilead. And Ahab, king of Israel, said unto Jehoshaphat, king of Judah, Will thou go with me to Ramoth Gilead? And he answered him, I am as thou art, and my people as your people, and we will be with thee in the war. Can you see somebody that God said, you know, he is one with somebody that hate God. Er ist der einzige Mann, der Gott hasst. I don't know somebody avec, il a une alliance avec quelqu'un qui déteste le Seigneur. You know, the king is saying we are one. Le roi dit qu'ils sont un. Can't be one with evil. Du kannst nicht eins sein mit dem Bösen. Mais tu peux pas être un avec le diable. Hört auf, Dinge mit ihnen zu feiern. Arrêtez de célébrer avec eux. I don't know how to even say it to you, please. Verse 4. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, 4. Inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. You know, let us ask the Lord. You know, you as a child of God, you are saying, let us ask the Lord. Yes, toi, comme enfant de Dieu, tu proposes à demander le Seigneur. But you are one with them. Du schlägst etwas Gutes vor, aber dennoch bist du mit ihnen eins. Tu proposes quelque chose du bien, mais tu es toujours encore en alliance avec eux. He said, therefore, the king of Israel gathered together of prophets 400 men and said unto them, Shall we go to Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up. For God will deliver it unto the king's hand. 400 said, go. 400 prophets have said, go. The prophets. 400 prophets ont dit d'aller. Amen. These are prophets. Ce sont des prophètes. C'était des prophètes. They all said the same thing. Ils ont alles gleich gesagt. Like churches together say the same thing today. They preach the same thing. The same. Can see the same religion. Wie gemein, das gleiche predigen, das gleiche verkündigen, die gleiche Religion. C'est comme beaucoup d'églises aujourd'hui qui prêchent tous les mêmes choses. But Jehoshaphat said, Is there not there here a prophet of the Lord beside that we might inquire of him? Is there not a prophet of the Lord that we might inquire of him? Ist hier kein Prophet des Herrn, den man fragen könnte? Jehoshaphat dit, n'y a-t-il plus plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter. Non, for some people, prophet is prophet. For Palot is prophet, prophet. Pour certains gens, prophète, c'est prophète. Are you getting it? Here, Jehoshaphat is saying there is a prophet of the Lord. He is that. It's not prophet, it's prophet. Jehoshaphat ganz klar. Christ have his own prophet. Des Herrn, und nicht einfach irgendein Prophet. Ici, Josaphat fait indifférent. Il y a des prophètes, mais il y a des prophètes de l'Éternel. Amen. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is one, yet one man, by whom we may inquire of the Lord. Verse 7. But I hate him. You know, people will say they hate me today. But then after they mich hassen, dass sie mir eine Gemeinde hassen. There's a church I would like you to go to, but I hate that church. Beaucoup de gens disent aujourd'hui qui me détestent et détestent l'église, qui détestent les messages ici. He said, but I hate him, for he never prophesied good unto me, but always evil. The name is Micah, the son of Imlah. And Jehoshaphat said, let not the king say so. Where will we speak to them today? Amen. Amen. You know, they hate. They call the truth evil. Sie nennen die Wahrheit bösartig. Ils appellent la vérité des choses mauvaises. You know, this man hates the truth. Dieser Mann hasst die Wahrheit. Cet homme ici dans le verset déteste la vérité. And because of that, Micah, he became his enemy. C'est pour cela que Micah est devenu son ennemi. Galates 4:16. Praise the Lord. Galatians 4:16. Look at what Paul, the writer of Galatians, said. Galates 4:16. Amen. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Amen. Because I tell you the truth. Parce que je te dis la vérité. Parce que je vous dis la vérité. I become enemy because of the truth. Und das I love you so much. I'll keep on. Leider schon oft erlebt, aber ich werde es immer wieder weiter tun. J'ai beaucoup fait d'expérience ici à cette église, mais je vais continuer à vous dire la vérité. Go back. You know, verse 7 again of 2 Chronicles 8. He said, I hate him. On retourne au I hate this man. Chronique 18. 18. 18. Amen. Amen. I hate him because he tells me the truth. Er sagt ganz klar, ich hasse diesen Menschen, weil mir immer wieder die Wahrheit sagt. Cet homme dit, il déteste Mickey parce que Mickey dit toujours la vérité. Are you a friend of somebody that hates the truth? Du bist ein Freund einer Person, die Wahrheit hasst. Est-ce que tu un ami de quelqu'un qui déteste la vérité? Beware, please. Nimm das bitte ernst. Sei gewarnt. Attention. It's a warning. Es ist eine Warnung. Beware of the seed you keep on planting. Du musst acht vor den You keep on sowing seed that you will not have to reap. Sehen, die dir nicht gefallen. Faites attention à les sèmes que vous seed of death. Vous plantez. That's what you are sowing. Wir sehen Samen des Todes. Parce que vous êtes en train de semer quelque chose qui est dangereux. It is not the day you plant dangereux. The seed that is going to grow or you reap it. Und wir werden diese Ernte nicht haben am gleichen Tag des Sehens. Et la les fruits va pas se montrer à le même jour, ça va se montrer dans certain temps. But don't worry, that seed will grow and you are going to harvest it. Keine Sorgen, the seed of death. Dieser Same wird wachsen und why not life? It says choose life. Aber wir sollen uns für das Leben entscheiden. Choose Jesus wir sollen Christ. Jesus wählen. On devait choisir Jésus, on devait choisir la vie. Don't because of 5 minutes enjoyment, just reject it. Jusque pour 5 minutes de s'amuser, tu rejettes Jésus. Amen. You know, I always use that to a woman that is pregnant. No, nervous, you know. The beginning, she might not even know she is even pregnant. Ich nehme das immer als Beispiel, dass am Anfang wird man. Just as you yourself, we don't know you are sold an evil seed or the seed of death by going to those places. Und genau diese Frau, die schwanger ist, und man sieht es aber ihr gar nicht an. Und genauso sehen, haben wir diese Samen des Todes gesät und wir merken es gar nicht, dass wir sie gesät haben, weil wir an Orten waren, wo wir nicht hätten sein sollen. Je prends toujours l'exemple d'une femme qui est enceinte. Au début, peut-être il ne va pas remarquer qu'il est enceinte, mais après 9 mois, elle va accoucher cet enfant. C'est la même chose avec nous, des décisions qu'on prend. On doit faire attention de ne pas s'aimer une mauvaise sémence. But one thing that woman will not know that is pregnant is that she will not forget that she slept with somebody. So also you will not know you. There's one thing you will not forget. Disobey him. Und genauso ist es auch, dass diese Frau hat zwar nicht gemerkt, wie dieser Same in ihr Platz genommen hat und jetzt wächst, aber sie hat gemerkt, dass sie diesen Samen in sich hineingelassen hat durch den Geschlechtsverkehr, in dem sie involviert war. Und genauso warst du in Ungehorsam involviert, indem du an einem Ort warst, an dem du hättest nicht sein sollen. Aber die Konsequenz daraus kann sich irgendwann zeigen und ergeben. La même chose comme la femme qui est enceinte, qui va se rappeler qu'à travers la... à travers un rapport sexuel qu'il est venu enceinte et que ça va apporter une fruit à un enfant. C'est la même chose dans notre décision si on se décide de rejeter Jésus, qu'on va se rappeler que dans cet moment on a désobéi le Seigneur. The places you go to, people you call your friends. Die Orte, die wir hingehen, die Leute, die wir Freunde nennen. Les gens qu'on appelle nos amis, les endroits qui on va. They might even be your natural brothers and sisters. Es sind vielleicht deine natürlichen Geschwister. Peut-être ce sont tes frères et sœurs dans les chairs. The same blood as the natural people we see. Blut. Le même sang naturel. But Jesus is saying you don't have the same blood, you have different blood. Aber Jesus sagt, ihr habt nicht das My gleiche blood Blut. Is your blood. Mein Blut ist euer Blut. Mais Jésus dit, vous avez pas le même sang parce que ton sang c'est mon sang. Praise the Lord. Amen. Amen. If you go to verse 11 of 2 Chronicles, because of time, I will quickly go. Maybe on I don't know, Tuesday if we have to the Bible studies, or maybe on next week, on Wednesday. Amen. Look at verse 11. And all the prophets prophesied so, saying, go up to the Ramoth Gilead and prosper. And prosper, for the Lord shall deliver it into your hand. Amen. Deuxième chronique 18, verset. They said the same thing. All the prophets have said the same thing. Tous les prophètes ont dit les mêmes choses. It is interesting what they said here. All of them. All the 400 prophets. C'est intéressant, was sie gesagt haben, all diese 400 Propheten. C'est très très intéressant qu'est-ce que tous les 400 prophètes ont dit. It's like the same message that people preach, and a pastor preaches preach today. C'est la même gleiche Botschaft, die Leute prêchen. You have been brought up with those messages. C'est les mêmes religious messages. C'est les mêmes messages que dans toute église, les gens sont en train de prêcher. You know, honor your father, honor your mother. They preach it. That's what they preach. They never see Christ as the true parents, but the flesh. If you look at everywhere, it's there. Sie beharren darauf, dass du deine it's Eltern ehrst und ihnen gehorcht, aber sie sehen nicht, dass Jesus Christus an allererster Stelle deine Eltern sind. Honore tes parents. Ils sont tellement dans cette verset, honorer les parents, qu'ils oublient que c'est Jésus Christ qui est notre père et notre mère. You honor Christ. Christ honors your parents. Wir ehren Christus und Christus kann dann deine Eltern durch dich hindurch ehren. On honore Jésus-Christ et Jésus-Christ peut honorer notre parent à travers nous. Praise the Lord. Alléluia. All of them preach the same thing. Alle predigen das gleiche. The same tous les prophètes, thing that they call the truth. Tous les prophètes ont dit les mêmes choses. Amen. Amen. You know, you know the system of the natural world. Ich kenne das System der natürlichen Welt. Vous connaissez le système majority will devote. Die Mehrheit. So let you understand. La majorité est toujours en train de gagner. 400 gegen 1, so ganz klar, wer im Recht ist. 400 personnes contre 1 personne, c'est clair qui est en train de gagner. Amen. You know the system. Majority win the vote. Jesus never leave. La majorité gagne toujours dans ce système du monde. Amen. Jesus arbeitet nicht mit der Mehrheit. Mais Jésus travaille pas avec la majorité. He never leave on popularity. Er arbeitet auch nicht mit der Gruppe, die am bekanntesten ist. Il travaille non plus avec une groupe qui est connue. Popularity, majority is not in the kingdom of heaven. Die Beliebtheit oder die Mehrheit ist nicht, daran wird nicht gemessen im Königreich Gottes. Être dans la majorité ou bien être connu, c'est pas ça la façon que Jésus travaille dans le royaume. You know, they believe them, they follow them because they are many. Man folgt ihnen, weil sie in der Mehrzahl sind. Les gens suivent toute cette majorité parce qu'ils voient qu'ils sont beaucoup. It reminds me of Isaiah 31, 1 to 4. He said, woe unto those that depend on the, you know. No. 31, Isaiah 31. Let's go there. Praise you, borrow Isaiah. A little time. Just a little. Praise the Lord. Amen. Isaiah 31, verse 1 to 4. Mm-hmm. Praise the Lord. Isaiah. Amen. Isaiah 31. He said, woe to them that go down to Egypt for help. Isaïe 31. 31. 1 to 4. 1 jusqu'à 4. Okay. He said, what to them that go down to Egypt for help? We put something here, please, in Second Chronicle. Are we there, please? What to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots? Because there are many. Are you getting something here? Because there are many. Wer denn, die ihr Vertrauen auf die Mehrheit setzt. Malheureux à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir des secours et qui comptent sur les chevaux qui mettent leur confiance dans le nombre des chars. You know, your parents might even have money more than me. Deine Eltern haben vielleicht mehr Geld als du, aber uns geht es hier um Jesus Christus. Peut-être tes parents ont plus, ont plus d'argent que moi, mais ici, ça s'agit de Jésus Christ. Amen. Peter and John, they were having no money, but they have Christ. Petrus und Johannes, sie hatten kein Geld, aber sie hatten Christus. Pierre et Jean, ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient Jésus. Yeah. Praise the Lord. Amen. They might have more things, more everything, more than me. Sie haben vielleicht mehr Besitz, mehr Geld, aber ich habe Christus und damit bin ich zufrieden. Ils ont peut-être plus d'argent, plus de maisons, plus de choses, mais ce que nous on a, c'est Jésus-Christ et c'est ça qui est plus que toutes ces choses-là. He said because they are many. Weil sie in der Mehrzahl sind. Parce qu'ils sont dans la majorité. And in horsemen, because they are very strong. The strong people. Die Starken. Parce qu'ils sont forts. Amen. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2. Yet he also is wise, and I will bring evil, and will not call back his word, but will arise against the horses of the evildoers, and against the help of them that walk iniquity. Now the Egyptians are men. Are not God. Amen. And their horses, they are men. They might be many, but they are men. Verset 3, les Égyptiens sont peut-être petits, mais sont peut-être nombreux, mais ils sont seulement des hommes. You might have more money, more power, naturally, more than a child of God. Du hast vielleicht mehr Kraft und Besitz als ein Kind Gottes. Aber der Geist ist immer noch kraftvoller. Peut-être tu as plus d'argent ou bien plus de la force qu'un enfant de Dieu, mais l'esprit qui est dans un enfant de Dieu est plus que tout cela. He said, now the Egyptians are men and not God. And their horses flesh and not spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Let me leave there because the time has really gone. Please quickly go back to Second Chronicle. Amen. Cette chronique. Et si. Okay. Deuxième chronique. 18. Amen. Praise the Lord. Alléluia. The Holy Spirit is called the Spirit of Truth. Le Saint-Esprit est appelé un esprit de vérité. There is also this, what is called the Spirit of Lies. Là aussi un esprit de mensonge. It's like a stick. Where there is truth, there are lies. Es ist wie ein one side is love, one side is hate. Mit zwei Enden. Amen. Ein Ende ist Hass, das andere Ende ist Liebe. Are you getting it? C'est comme un bâton, l'autre good, côté evil, et bien l'autre côté est mal. Truth, lies. Bien you get it. Wahrheit, Lügen, Liebe und Hass. La vérité et les mensonges, l'amour et la haine. Look at verse 21 of 2 Chronicles 18. He said, and he said, I will go and be a lying spirit. In. That's really from 20. Verse 20. Deuxième Chronique 18. 20 and 21. 20 et 21. He said, then there came out a spirit and stood before the Lord and said, I will entice him. And the Lord said unto him, wherewith? And he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, thou shalt entice him, and thou shalt also prevail. Go out and do even so. Lying spirits. And listen, guys. There are different spirits everywhere. In esprit de esprit de mensonge. You know, this man loves lies. Dieser Mann hat Lügen geliebt. He loved lies. Er hat Lügen geliebt. Cet homme, il aimait des mensonges. He desired lies. Er hat sich Lügen gewünscht. Il désirait les mensonges. If you desire the flesh, wenn du das Fleisch dir wünschst, si tu désires la chair, don't pray that God answer your prayer. Dann bete nicht, dass Gott deine Gebete hört. Ne prie pas que le Seigneur écoute tes prières. Are you getting it? This man loved flies. He loved the flesh. Er hat das Fleisch geliebt. And the Lord answered his prayer. Und der Herr hat seine Gebete erhört. Cet homme, il aimait les mensonges. Il a prié à Dieu de répondre son prière et le Seigneur a répondu. He hated the truth. Er hasst die Wahrheit. Il déteste la vérité. Look at it. He said he hated the truth. Er hasst die Wahrheit. Il déteste la vérité. He hated this man. Er hasst Mika, diesen Mann. Il déteste Miché. Yeah, I hate him because I hate the truth. Er hasst ihn, you see it? Weil er die Wahrheit hasst. Il déteste Miché parce qu'il déteste la vérité. Yeah. Just like today. Genau every heute. Day, they hate the truth. Comme aujourd'hui. Sie hassen die Wahrheit. Amen. Il déteste la vérité. They say, would you want her to know? If you, she know, you know what she's going to say to you. I thank God you know what I'm going to say. Willst du never join evil. Sie fragen oder ihn fragen, du weißt doch, wenn du die Person fragst, ist die Sache durch. Können wir das vergessen? Les gens réfléchissent trois fois avant de nous demander parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on va leur répondre. Praise the Lord. You know, some evil want to tempt me, they come to me to ask. If you are not going to tempt me, why asking and not taking to the to what I said? What the Lord is saying to me, through me to you. It means you came to tempt me. I don't know. Some people, they come, they ask. Und einige fragen sogar, um mich sozusagen zu versuchen, weil sie fragen und dennoch werden sie nicht gehorchen, nicht das tun, was ich sage. Et certains me demandent pour me tenter. Ils demandent pas pour savoir la réponse ou bien écouter la vérité. Look at what 2 Timothy said concerning this time. 2 Timothy. Deuxième Timothée. 2 Timothy 4. We are in high speed now. Very high. 2 Timothy 4. I quickly read from verse 1 to 4. Deuxième Timothy 4. He said, I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove. You see it there, reprove. Rebuke. He said, rebuke. It's a command. Das ist kein Vorschlag, sondern ein Befehl. Insister, c'est un commandement. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers of teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure affliction, do the works of evangelists, make full proof of your ministry. Praise the Lord. Yeah. Make full proof of the ministry. Nutze die, das, den Dienst völlig aus. Richte deinen Dienst völlig aus. Remplis bien tout, ton rôle de prédicateur de l'évangile. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, this man loves lies, just as some of us love lies today. Diese Leute liebt, dieser Mann liebt die Lüge und einige von uns lieben auch die Lüge. Cet homme, dans 2 Chronique 18, il a aimé les mensonges. He desired the flesh, just like some of us desire the flesh today. Er hat das Fleisch geliebt, so wie einige von uns das Fleisch lieben. Il a adoré les chairs comme certains de nous. Including yourself. Prüft alles what auch love, what you hate, was what wir you lieben, desire. Was wir hassen. Vérifie tout en toi, ce que tu aimes, tout ce que tu détestes. What you are hungry of. Wonach wir hungern. Ce que tu désires. If you are hungry of miracle, you are hungry of lies. Wir hungrig sind nach Wundern, wir hungrig nach der Lüge. Si tu désires les miracles, tu désires les mensonges. What man and religion call miracle. Was der Mensch und Religion Wunder nennt. Ce que l'homme ou bien la religion appelle miracle. You know who will feed you, the spirit of lies will feed you. Wisst ihr, wer dann zu ersprechen werden? Die Geister, der Lügengeister. Tu sais qui va parler à travers toi, ça seront l'esprit des mensonges. Amen. Amen. The spirit of lies, the spirit of compromise. Der Lügengeist, der will Geist, be there for you. Der Kompromisse eingeht, der wird dann da sein für dich, zu deinen Diensten. L'esprit des mensonges, bien l'esprit de faire des compromis. Do you know, I always pity people. Ich habe immer Mitleid mit Menschen. Pity of Christ. Das Mitleid von Christus für Menschen. Vous savez pourquoi j'ai pitié des gens? And I always, I even go out of my way and tell them to come to this church. Und deswegen, to come here. Because I know what outside is. I know where they go to. Und lade sie dann zur Gemeinde ein, weil ich weiß, was da draußen ist. J'ai pitié des gens parce que je sais ce qui se passe ici dans ce monde qui a beaucoup d'esprit des mensonges. C'est pour ça que j'essaie de l'inviter dans l'église. It is not for the church to be full, but I pity them. Das ist nicht dafür, dass die Gemeinde größer wird, sondern ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Ce n'est pas pour que l'église soit remplie, mais c'est seulement que j'ai pitié avec ces gens. Because I know that they are on their way to their destruction. Ich weiß, destruction. Sie sind auf dem Weg in die Zerstörung. I know churches. Parce que Gemeinden. Parce que je sais qu'ils sont dans leur chemin de se détruire. Ich kenne die Gemeinden, die sie gehen. Parce que je connais les églises où sont. I know it is all about religion. Religion can save no one. Ich weiß, dass es da um Religion geht und it's Religion a matter of time, kann they are going niemanden to be retten. Es ist eine Frage der Zeit und sie werden zerstört. Je sais que cette église ils prêchent la religion, que c'est seulement pour quelque temps qu'ils sont pas capables à rester en Christ. You know, a friend said, the lady spoke to me. I thought, you know, I misunderstood her. I thought that she said she was going to start here. Start coming here. Vor kurzem hat jemand mit mir gesprochen und ich habe verstanden, dass diese Person jetzt in die Gemeinde, also die Gemeinde besuchen wird, als offizieller Teil der Gemeinde. Il y avait une femme qui a parlé avec moi et moi j'ai croyé qu'elle va commencer à venir à l'église ici. I thought of it so much. Ich habe sehr, because I was questioning the motive. Weil ich das Motiv in Frage gestellt habe. The Lord was always bringing the motive to me. J'avais beaucoup de. If it won't come, the motive. J'avais beaucoup de questions et j'ai pensé à le motif si pourquoi est-ce que elle devait venir ici à l'église. Dass wenn diese Person ihre Gemeinde wechselt und dann in unsere Gemeinde kommt, weshalb tut sie das? Was ist das Motiv hinter diesem Wechsel? Das hat Herr mich immer wieder, darauf hat er mich immer wieder aufmerksam gemacht. Praise the Lord. Amen. Because I know the natural family. Weil ich kenne die natürliche Familie. Parce que je connais la famille. We have experienced this a lot here. Wir haben hier auch vieles erlebt. On a fait beaucoup d'expériences ici dans cette église. Amen. Coming to church or changing church should not be evil motive. Gemeinde zu wechseln sollte nicht als ein böses Motiv sein. Changer de l'église, ça ne devait pas être dans une motive mauvaise. Amen. You know, fighting, you know, if you have a problem with anyone here, that should not give you the, you know, that is not a motive that should move you to go to another church. Zum Beispiel, wenn du jetzt, so that was always coming to me concerning this very game. Wenn du zum Beispiel Streit hast mit einer Person hier in der Gemeinde, ist das nicht ein Grund, um die Gemeinde zu wechseln? Und dieser Gedanke kam immer wieder herbei, als ich über diese Person gedacht habe, dass ich hoffe nicht, dass diese Person wechseln will, weil sie Streit hat, weil das ist kein Grund, um zu wechseln. Jusque parce que on a ou bien tu as des disputes dans l'église, ça ne devait pas être ton motif parce que pour que tu ça devait pas être ton motif de quitter l'église et c'est ça que j'avais pensé, que j'avais dans ma tête quand j'ai pensé de cette fille qui était ici à l'église, si sa motif était parce qu'elle avait une dispute avec quelqu'un dans l'église. Our motive of going to church should be Christ and not somebody's against us or somebody's fighting or somebody does not like me. I have misunderstanding with somebody. You get it? So I was about to discuss it with her before I heard that there was a misunderstanding. I said, okay. Und unser Motiv ist, dass wir zu Christus kommen, sollte Christus allein sein und nicht in die Gemeinde kommen, sollte aus Christus allein sein und nicht, weil wir mit den Leuten dort cool sind oder weil wir mit den Leuten dort nicht cool sind. Das ist nicht das Maß, an dem man dann halt misst, ob man in einer Gemeinde bleibt oder nicht. Und ich habe aber dann, darauf wollte ich sie ansprechen, aber dann habe ich gehört, dass ich sie generell falsch verstanden habe und dass sie nicht in diese Gemeinde wechseln wollte. Und dann habe ich das, ja... Amen. La raison pour laquelle on vient à l'église, c'est pas parce que on s'attend bien avec quelqu'un ou bien parce qu'il y a des gens qui nous aiment pas. Non, notre motif doit être seulement Christ. Et c'est ça que je voulais demander à la fille, si c'était la raison peut-être pourquoi elle voulait changer l'église, jusque quand j'attendis qu'elle avait... I proved this a lot. Et c'était et qu'elle voulait pas changer l'église. Ouais, elle voulait pas changer l'église et venir ici. Amen. I proved this a lot. Und ich prüfe Dinge immer wieder. Et je vérifie toujours des choses. If we have somebody that is new, I always want to know why. Wenn wir jemand Neues in der Gemeinde haben, frage ich immer wieso. Si on a quelqu'un de nouveau à l'église, je demande toujours pourquoi. C'est quoi le motif? Amen. And I love to know the motive. And most of the time, I know it. And I always know it. You know, the Lord says, sometimes He just reveals it to me. Sometimes I call them and say, what? Parfois, what am I doing here? Et parfois, le Seigneur me révèle le motif des gens qui, pourquoi ils sont ici à l'église. Praise the Lord. Hallelujah. Because I want your motive to be purely Christ. Weil ich will, dass dein Motiv rein Christus ist. Parce que je veux que ton motif soit vraiment seulement Jésus-Christ. Because motive have its own result. Weil Motive haben ihre eigenen Ergebnisse. Parce que le motif a son résultat. If you have evil motive, you are going to get the result of it. Wenn And if your motive is Christ, there is going to be a result of it. If you are here because you have a fight in another church, and before you know it, you are going to have a fight here also, and you are going to leave. Are you getting it? And because if that is why, if you are here because you have a fight in another church, I will send you back. Because that should not be the motive why you should be here. Und die Sache ist, I don't know if you get it. Wenn du dann halt in dieser Gemeinde jetzt bist, weil du in der anderen alten Gemeinde Streit hattest, wirst du ja hier dann auch irgendwann gehen, wenn du hier auch irgendwann mit Leuten nicht mehr klarkommst. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich zurück zu einer alten Gemeinde schicken und sage, klär das da hinten und hör nochmal auf den Heiligen Geist, wo du zu sein hast, aber nicht wegen Streit oder nicht Streit. Chaque motif a son résultat. Et si par exemple tu viens ici à l'église parce que tu changes l'église parce que tu as eu une dispute dans ton église ancienne, je vais te dire de retourner dans cette église parce que le même raison que tu as quitté ton église ancienne, ça sera la même raison que tu vas quitter aussi cette église si tu as une dispute avec quelqu'un. Praise the Lord. Ça ne peut pas être le cas. Amen. Amen. The question is, what are you hungry for? Die Frage ist, wonach bist du hungrig? La question est, qu'est-ce que tu désires? You know, this man was hungry of the flesh. Dieser Mann war hungrig nach dem Fleisch, er war hungrig nach Lügen. Cet homme avait le désir de chair, de mensonges. And the Lord answered his prayer. Und der Herr hat seine Gebete erhört. Et le Seigneur a répondu son prière. Amen. Amen. And the lying spirits, they did their job. Und der Lügengeist, die haben sich ausgetobt. Et l'esprit mensonge, il a fait son devoir. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, we close now. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord.